sauvage. Les algues dansent autour de moi. Hop là. Oh mon bateau. Ciel étoilé, les voiles gonflées de bonheur, les poissons chantent dans.